je suis renversé. Et pas surpris, c'est un mélange de toutes sortes d'affaires, OK? Pas surpris parce que la bombe change d'idée souvent. Renversé parce que il a changé d'idée au bon moment. Content parce qu'il prend pour les automobilistes. Et content également de voir que c'est l'un des seuls au Québec qui prend pour les automobilistes et qui est au pouvoir, qui a une position de pouvoir. Bon, là, il est maire de Québec. Mais il y a personne qui prend pour les automobilistes comme ça dans une position de pouvoir. Nommez-moi un live à traduwix.com. Je connais pas beaucoup. Dans les officines à la colline parlementaire, il n'y en a pas. Au PQ, même au Parti libéral. À la CAQ, oui. Mais la CAQ, ils sont pas en position de pouvoir. Ouais, je dis position de pouvoir. La CAQ, absolument. Là, parlait à Éric Kerr, Bonnardel. Enfin, ils vont tous avoir le même discours. C'est un discours... Elle n'a pas parlé, par exemple, à Rebello. Hein. Lui, il avait dit, oh, il fallait vendre un champ. Ouais. Ouais, il avait fermé la trappe, hein, sauf que lui, il pense ça. La coalition étant ce qu'elle est, il y a des gens de toutes les couleurs là-dedans. Ouais. Mais en position de pouvoir, sérieusement, là, moi, ça m'a fait du bien ce que j'ai entendu hier. Et à l'échelle de la province, on va le faire jouer. Moi, je mettrais ça dans un genre de créneau. Québec-Montréal. Québec versus Montréal. Montréal, c'est la folie. La folie du vélo et du Bixi. Bixi déficitaire année après année. La folie anti-voiture avec une guerre déclarée par notamment Luc Ferrandez, mais Richard Bergeron pas trop loin. Là, il s'est peut-être calmé ouvertement avec ses envolées anti-voiture, mais fondamentalement, ce sont des gens anti-voiture. Je vous dirais même quasiment anti-développement économique, là. Mais on va en demeurer anti-voiture. Donc, des gens très proches de Québec solidaire, des gens qui en ont rien à foutre des commerces, de l'entreprise privée. S'il y a des locaux qui se libèrent, sur la rue Laurier, puis sur le plateau, puis ailleurs, ils en ont rien à cirer. Ces gens-là sont en train de détruire Montréal. Qui utilisent la stratégie du pain in the ass pour l'automobiliste. Exact. Pour mousser la popularité du transport en commun. Donc, faire chier l'automobiliste pour qu'il se résigne à embarquer dans l'autobus, la tête basse, puis en disant « Colin, j'aurais dû vendre mon char avant. » C'est ça. Ou j'aurais pas dû m'en acheter. C'est la stratégie, c'est ça. Ou j'aurais pas dû aller rester loin. J'aurais dû rester dans un condo au centre-ville, la vie au centre-ville, comme la bonne gauche me le disait. J'aurais dû penser à la planète avant de penser à mes enfants. Donc, vous avez deux philosophies qui vraiment qui s'affrontent. D'un côté, vous avez Sylvain Gaudreau, le PQ, la bonne gauche, qui a avalé le Kool-Aid vert. Qui signifie quoi? Qui signifie, non, la construction de routes, ça n'a pas de bon sens, parce que plus tu construis des routes, plus les routes vont se remplir. Ça prend plus de voies réservées, plus d'autobus, ça prend plus de taxes pour les financer, puis même si c'est dans le trou année après année, on fera pas financer ça, ça sera pas utilisateur payeur. En fait, ça va être les automobilistes qu'on insulte, qu'on va taxer. Qu'on va taxer parce que ils n'ont pas le choix, tu sais, on va augmenter les frais d'immatriculation, puis la taxe sur l'essence. À Montréal, on a dit oui sur la taxe sur l'essence. Gérald Tremblay, en tant que bonne pâte molle, a fait le travail avec l'espace qu'on lui laissait. Là, il a pris cette décision-là, alors qu'à Québec, la bombe l'a pas pris, cette décision-là, de combler l'espace laissé par le gouvernement du Québec pour une taxe supplémentaire sur l'essence et pour en garder les revenus. Ça, Québec ne l'a pas fait. Il l'a pas fait, puis il a confirmé hier que ce 8 millions-là, parce que ça serait estimé à 8 millions, la Ville de Québec... on n'aurait pas besoin. Donc, qu'est-ce qui s'est dit hier? C'était quoi? C'était son premier gros discours de la campagne électorale. Point de presse sur les travaux, sur ce qui s'en vient. En fait, le nom de la conférence, c'est un déjeuner-conférence, et le nom était Le tramway, oui, mais. Trois petits points. Tu en avais parlé hier, d'ailleurs. Et on se doutait qu'il y avait quelque chose, là. Ben, oui, quand il y a un mais, il y a quelque chose qui accroche. C'est conditionnel, c'est ça. Il y a une petite grenaille dans le soulier. Et là, Régis est débarqué. Parce que là, faut comprendre qu'il y a eu quand même un cheminement là-dedans. Là. Régis, sur ce qui est du transport en commun, il a changé d'idée souvent. Faut le dire. Et Régis n'est pas capable de dire, ah, peut-être, on va regarder ça. Lui, c'est noir ou blanc, mais il change souvent, tu sais. Ou 2008, il avait d'ailleurs défié, et c'est dans le journal Le Soleil ce matin de Québec, ou 2008, il avait défié les gens du RMQ, qui était le parti qui se présentait contre lui, de se faire élire sur la question du tramway, parce qu'il était contre à l'époque. Il avait un nom ici à Radio X, alors qu'il était collaborateur à la station de Québec, chroniqueur politique, mais il s'était lancé par la suite À la mairie, en remplacement de la mairesse Boucher, qui est morte. Donc, octobre 2009, à peu près un an plus tard, il faut avoir des voies réservées. Tramway, train léger, honnêtement, on s'en fout, ça prend des voies réservées. Donc, très caractériel. Un an plus tard. T'sais, on voit le personnage. Juin 2010. On s'en fout. Comment il a dit ça? On s'en fout. OK? Ça va être ça. OK, bye. Fatigué. Et là, il rechange d'idée. Juin 2010. Décembre 2010. Non, il n'y aura pas de tramway en Haute-Ville. Hop. Là, c'était pas en Haute-Ville. Là, c'était pas à même place. Dans la ville de Québec. Septembre 2012, donc l'année passée, il n'est pas question de coercition envers les automobilistes. Le plan de mobilité de la ville de Québec inclut totalement une fluidité des artères, blablabla. Et là, hier, le tramway, c'était plus ça le point pantoute. Là. Il a remis les journalistes à sa place. Certains journalistes, je veux pas généraliser, journalistes qui aiment beaucoup regarder du côté de l'Europe, parce qu'évidemment, ça fait de bons petits voyages, tu sais, quand tu parles de l'Europe beaucoup. À un moment donné, le chef de pépé, tu te dis, ben, quand vas-y dans l'Europe, voir comment ça marche. Ouais, voir le tramway à Lyon. C'est toujours le fun, là. À Bordeaux, je suis déjà allé, là. C'est avec les perdièmes, quand tu fais de payer le voyage, là. Il y a le musée de la bière à Bordeaux, oubliez pas ça, hein. À grande place. Il y a moyen d'avoir du plaisir. Oui, d'avoir du fun. Okay. Donc, remettre certains journalistes à leur place, certains lobbies déplaisants, insultants, et dénigrant leur place, j'y reviens. Et certains cocos de Pâques verdoyants qui, pour eux, ces gars, c'est religieux, là. C'est l'auto, c'est un ennemi. C'est l'ennemi à abattre. Donc, hier, ça a été du tir au pigeon d'argile, puis il a abattu une coupe de cibles. Moi, j'ai vraiment adoré, moi, ce que j'ai entendu, puis on va vous en partager certains extraits. Puis en fait, tu dis l'auto est l'ennemi à abattre. Je pense qu'à la base de ce mouvement-là, c'était le pétrole l'ennemi à abattre. Mais c'est devenu l'auto. Et je suis d'accord avec une chose, avec Régis, à 100%, c'est que la liberté d'avoir un véhicule qui te transporte, je pense pas que les gens vont s'écœurer de ça. C'est un moyen de transport. Tu sais, avant, il y avait des calèches, maintenant, il y a des autos à gaz, et ce sera probablement l'auto électrique la prochaine étape. Peut-être. Ça, il l'a dit. Ça, je suis pas sûr. Ben, Doom, moi, je suis convaincu que d'ici 10, 15, 20 ans, ben ça là, pousse vers ça. Tu dis 10 ou 20, là? 10, c'est pas pareil que 20. Je te dis dans un futur. Ce que je te dis, c'est que les gens... Dans 20 ans, je serais peut-être plus là pour t'en parler. Ben, peut-être. Mais ce que je te dis, c'est que la voiture... Le concept d'avoir un véhicule à toi, que tu diriges, et avec lequel tu vas où tu veux, je te l'annonce. C'est exactement ce que je veux dire. Donc, que ce soit des chevaux ou des chars qui volent, ça va rester, là. Oui. On va avoir besoin de ça... C'est pas vrai que tout le monde va se promener en autobus un moment donné ou en train rapide. Exact. Là, pourquoi? Les enfants, c'est un moyen de transport. Les gens s'achètent pas des voitures pour écœurer la planète. C'est la liberté. C'est la liberté. Puis les gens se disent, parfait, j'ai une famille, mais tant qu'avoir une famille, tu peux avoir un peu de fun. Fait que ça me prend un bon système de son, l'air climatisé, puis une couple de gadgets au travers. C'est ça. J'aimerais ça avoir un char de la bonne couleur aussi. Ben oui. J'aime ça le bleu parfait. Et les gens, fondamentalement, peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Le peu d'argent qui leur reste sur le chèque de paye. C'est ça. On peut faire ce qu'on veut avec. C'est ça. Mais moi, en tout cas, sur la vision de la bombe, je suis d'accord. C'est qu'à un moment donné, on avance. Ouais, je sais que le pétrole, on veut le réduire. Donc, les compagnies automobiles, ils ont pas le choix. C'est le consommateur qui décide. Je crois plus au hybride qu'à l'électrique. Ben, ça sera l'hybride. Moi, je pense que maintenant, ça va être l'électrique. Mais ça, regarde, pas grave. On s'estinerait. Mais on est d'accord sur le concept que, tu sais, moi, je voulais vivre en campagne, je travaille en ville. Ça me prend quelque chose. La voiture est là pour rester. J'ai besoin d'une voiture, tu sais. Et là, Régis, lui, essaie de faire ça maintenant. Viens, pas de char, je t'enlève ton char. Je vais travailler avec Laurent. Hein? Je vais perdre ma job, ouais, non, c'est ça. Puis Laurent, je vais y enlever son char aussi. Ou je vais me paqueter dans un 4,5, dans un coin de la ville avec ma famille au 8e étage. Pas de qualité de vie. C'est ça. Fait que ça va être un choix, tu sais. Donc, on va écouter des extraits, et beaucoup d'extraits avec des journalistes impliqués, d'ailleurs, sur cet extrait-là, où il nous parle des voies où on pourrait cohabiter autobus et covoiturage. En même temps. Tous les véhicules, il y a deux passagers dans la voie rapide. Ça va être extraordinaire comme changement, juste ça. Les chauffeurs du RTC qui seront pas contents. Ben écoutez, là, s'il y a rien de parfait dans la vie, l'important c'est que moi je sois content, pas le monde soit content. Très con. C'est important, c'est compris, petit coco. Hein, OK. L'important c'est moi puis eux. Non, mais il y a raison, les chauffeurs d'autobus, maintenant ils ont une job, ils font une job là. Dans toutes les villes nord-américaines qui se respectent, allez à Miami, aller à Phoenix, à Boston, c'est différent. Boston, c'est encore plus flayé. T'es encore plus flayé. Tu peux rouler sur l'accotement. Il y a des heures où tu peux carrément... Rouler sur l'accotement. Tasse-toi sur l'accotement dès sortie. Exact. C'est quasiment dangereux, là, mais ils le font. Mais c'est bien géré, il n'y a rien arrivé de grave, Jean-Claude. Non, mais les gens font attention. Mais moi aussi, j'ai fait le saut au début, là. Mais quand il y a du trafic, tu trouves des solutions. J'ai fait le saut, là, mais je l'ai essayé, puis ça a descendu en tabouard à quelques codes. Là, j'ai dit tabouard, je vais être enregistré comme un juron. Pas un juron. Mais les chauffeurs d'autobus, les journalistes, ouais, les chauffeurs sont pas contents. Mais les chauffeurs sont payés, là. Puis ils vont faire le job. Ajuster les horaires en fonction de la réalité. Le chauffeur sera pas content parce qu'il respectera pas son horaire parce qu'il y a un petit gars avec un manteau en nylon là qui prend les timings d'autobus. Là, vous les voyez à Montréal là, et à Québec, vous les voyez également. Là. Ils vont rajuster les horaires. C'est fait pour être ajusté, les horaires. Ça doit évoluer en fonction de la réalité. Dans toute ville nord-américaine qui se respecte, c'est le covoiturage. À deux ou trois personnes. Moi, je mettrais à deux personnes. Tu vas encourager le partage routier, parfait. Deux personnes. Deux, tu trois, quatre, là, puis... Ben, peut-être pas. Quatre, c'est rock'n'roll. Deux, trois. Non, je comprends, mais si on s'en va tout au bureau, là, on embarque, là, tu sais. Parfait. Encourageons le covoiturage. Il n'y a plus personne qui parle de covoiturage. Ouais. C'est la voie réservée. Excusez-moi, là, il y a des voies réservées au Québec qui ont été conçues par de purs crétins. Je vous donne un exemple. Pour les gens qui demeurent dans la région de Québec, ça peut s'appliquer le crétinisme à l'échelle planétaire. En passant, là, ouais. Je vous donne un exemple. Il y a un boulevard à Québec qui s'appelle le boulevard Lebourgneuf. Boulevard Lebourgneuf, on est à Québec, là. À 2h du matin le dimanche, il n'y a pas un Christi de chat. Puis jeudi à minuit, il n'y a pas un Christi de chat. Puis samedi à 7h15 du matin, il n'y a pas un Christi de chat. Mais ils ont enlevé une voie. Et ils ont dit, ça, c'est une voie réservée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sacrifice! 24 heures sur 24! À Québec, boulevard Lebourgneuf. Ça peut être n'importe quel boulevard à Laval, à 3h15 du matin, un samedi, 24 heures sur 24. Puis là, ça flash, là. Puis pour faire t'en sentir coupable, là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, bus et taxi. Je peux te dire une affaire, c'est que je roule là-dessus, puis pas à peu près pour ça, là. Pas à peu près, puis je suis content de rouler dessus, puis ça roule. Pensez-vous que je suis assez idiot pour pas m'en servir? Il y a pas un chat. Mais tu peux pogner l'étiquette. Mais en même temps, oui. La nuit, c'est pas là qu'il y a le gros problème, parce que tu peux te tasser, il y a pas un chat nulle part. C'est 24 heures sur 24. Non, je comprends, mais c'est l'important, c'est quand il y a du trafic, ces voies-là, il y a des bus qui passent, mais il y a des bus qui passent aux 15 minutes. Même là. Le reste du temps, c'est réservé pour fuck all, là. T'sais, y a pour personne. Fuck all, et le jour, il y a 7 personnes dans l'autobus. Puis tout le monde est jamé dans l'autre voie, un arrière de l'autre, puis là, les chars virent, hein, la pollution, hein, c'est pas bon la pollution. Mais là, tout le monde, c'est à côté, un arrière de l'autre dans le bumper, là, puis là, ah ouais, on pollue, là. Là, wow, il y a une bus qui vient de passer, il y a 6 personnes dedans, on attend. La mauvaise gestion des voies réservées. Pourquoi il y a du trafic? Les voies réservées. Pourquoi on dit que ça pollue? Les voies réservées. Dégager les voies réservées, mais pas dégager at large. Je suis prêt à un compromis. Je veux que ça fonctionne bien. Moi, je vais porter les enfants à l'école. Il y a une voie réservée à Québec, c'est Dufresne-Montmorency. Je vous donne un exemple comme ça. Ça s'applique dans vos vies, que vous soyez à Terrebonne, Sainte-Julie, c'est la même Christie d'affaires. Ça dit 3 minimum. Parfait. Moi, je passe, la police me regarde, les gros bye-bye. Salut, thumbs up, je charrie mes enfants, je vais porter l'école. Il n'y a pas de problème là. Puis les fonctionnaires qui vont travailler, ben eux autres, ils se mettent à 3-4 dans le champ. Parfait, il n'y a pas de problème. On passe vite, on est content, on contourne le trafic. On est avec l'autobus dans la voie réservée. Toutes les voies réservées devraient être partagées avec du covoiturage, sans aucune exception. Puis l'histoire de mettre des voies réservées 24 heures sur 24, dans une ville comme Québec, où tu roules certains trottoirs la nuit, dans certains quartiers, arrêtez-moi ça, là. Québec, je comprends que ça s'est grossi comme ville, là. Mais dans certains quartiers, pour vous dire une affaire, ça a des allures de village anti-péché la nuit. On prend une marche à 3h30 du matin le dimanche à Lebourgneuf, là. Ouais, tu rencontres un être humain, pose-lui des questions, il y a de quoi qu'il fait le pas. C'est pas centre-ville partout, c'est sûr. Donc, c'est ça. Ben, regarde, il va te rassurer. C'est sur les voies réservées. Ouais, il va te rassurer là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres discussions avec M. Godreau, qui lui semble tenir drôlement une voie réservée? Non, c'est non la voie réservée. Il n'y en aura pas. C'est un bon gars, il va comprendre, là. Puis c'est pas de voie réservée aussi sur Laurentien, là. Parfait! C'est non, gars, il va comprendre, c'est un bon gars. On va les mettre au pas, les flyers verts. Juste pour l'information des auditeurs, peut-être qu'ils savent pas, M. Godreau, c'est le responsable du RTC, là, du réseau de transport en commun. Sylvain Godreau, c'est le ministre des Transports. C'est M. Godreau, ça? Sylvain Godreau, ministre des Transports du Québec. OK, excuse-moi. Qui est en même temps le double whammy. Lui, le double whammy, ministre des Affaires municipales aussi. Comme c'était passé. On peut-tu donner sport aussi, puis finances? Donc, Sylvain Godreau, qui vient du Saguenay, là. Donc, il va comprendre. Hein? Régis, c'est un bon gars. Il va comprendre. C'est un bon gars. Donc, il va comprendre. Sauf que Sylvain Godreau devrait comprendre aussi que dans certains cas, il faut élargir les autoroutes. Ça, je suis pas certain qu'il a compris, là. Qu'est-ce qu'il dit à part ça, mon Reg? Sinon, Le Reg, là, Régis, là. Oui. Il s'est ramassé des points dans la famille hier, là. Ça a été un banquier, là. Il nous a fait un banquier hier, là. Il a gagné des points dans la cuisine à la maison, là. La bombe hier, là. Pour les citoyens, tu parles? Ou ça? Pour les citoyens qui restent chez nous, là. Okay. On est pas mal d'eux à payer des taxes, chez nous, là. Okay. Dans la cuisine, chez nous, il s'est ramassé des points, là. Okay. Pas sûr que l'adversaire qui l'affronte s'en est ramassé, mais ça, on y revient. Ouais, ça, on va y revenir. Ça, c'est l'extrait où il je pense que c'est le mieux résumé son idée sur le transport, sur le trafic et sur les automobilistes versus le transport en commun. Pardon? La congestion va pas revenir quand les autoroutes vont être remplies, que les gens vont être allés habiter plus loin. Ah, moi, je pense pas, ouais, mais c'est parce que je refuse de restreindre la circulation pour convaincre les gens de prendre du transport collectif. Bravo! Ils prennent du transport collectif parce que c'est payant pour eux autres. Yes. Parce que c'est plus utile pour eux autres. On peut pas convaincre les gens de prendre du transport collectif en les restreignant. Ça explique pas mal. Voilà. Toute la patente. Est-ce qu'il peut mettre à la porte maintenant Raymond Dion, le boss des autobus de Québec, qui avait dit exactement le contraire? Sur plusieurs tribunes, dont à Radio X, il l'avait mentionné. C'est bon, ça, parce que les gens, quand ils vont voir les autobus, il avait dit « à file allure ». Je pense qu'on a l'extrait dans la boîte, là. « À file allure », tu sais, au lieu de dire « à vive allure », là. Lui, il avait dit « à file allure », tu sais. Fait que Raymond, là, Ray, là, il était dans le champ à peu près, là. Lui préconisait ça, là, la coercition à l'endroit des automobilistes. Alors que son boss, La Bombe à Québec, dit exactement le contraire. La Bombe est le seul en position de pouvoir à parler contre le transport en commun. Il parle pas contre. Okay. Il y a une position d'oser, on va le dire comme ça. Il a jamais dit que ça prenait pas d'autobus, c'est pas ça le point. Là. Non, non. Il a dit par contre qu'il fallait pas nous les rentrer dans le derrière. Et ça, ça fait du bien à entendre. Vous avez pas idée. Je pense aussi que c'est une mauvaise idée de forcer les gens. Ça a-tu déjà marché, ça, forcer du monde à faire quelque chose? Oui. Que les gens, ils vont font là actuellement au Québec, ça marche pas. Mais non, ils font là. Mais personne y va en souriant. C'est sur taxe, là. C'est sur taxe, ben, c'est sur taxe, le transport en commun. Mais personne dit, mon Dieu, que c'est le fun. Ça reste un exercice où tu fais chier le monde fondamentalement. Et les lobbies verts, c'est le discours. Ils sont payés à temps plein pour ça. Subventionnés par le gouvernement. Les lobbies de transport collectif, vous allez les voir. Le Québec sans voiture. Ça s'en vient, ça, c'est quand, ça, Laurent, le Québec sans voiture? La journée sans voiture. La journée sans voiture. Oui. La semaine prochaine, ça, je pense, Laurent. Montréal et Québec et ailleurs. Avec les carrés de gazon. Ça, c'est bien bon, ça. Ah, ça nous fait réaliser en joie le vert qu'il faut vendre notre char puis prendre l'autobus. Parce qu'ils ont fermé Sainte-Catherine puis ils mettent des carrés de tourbe. Puis il y a deux ou trois tartes qui font du vélo stationnaire. Puis il y en a deux ou trois autres qui font du yoga. Ça mène à quoi, anti-péché, ça? Ça mène à quoi? Là, on avance, vraiment. Du maudit niaisage. On lance un message. Du maudit niaisage, de lançage de messages. Non, les gens qui ont compris le message, encore, les gens prennent encore leur voiture. Le 22 septembre. À Montréal, ça, Laurent, le 22 septembre. Là, il y avait barré des routes. Là, ils feront pas ça peut-être cette année. Là, ils ont compris que parce qu'il fallait avoir des bagarres. Mais c'est ça. Ils ont compris que c'était une façon d'enfoirer, de passer un message. Et sacrifice. Peut-être un extrait sur parce que là on a. Là, pas on se fait traiter de radio poubelle le matin, là, dans le soleil. Oui. Par un hurluberlu vert qui lui comprend pas que allô. Les automobilistes payent pour le transport en commun. Là. Je vous donne des chiffres dans quelques secondes. Ils payent pour ça pas mal. Là. La taxe sur l'essence, les taxes sur l'essence, puis les droits d'immatriculation. Là. Ça prendrait un merci. Hein? On est peut-être rendu là. Un petit merci. Si j'arrive à côté d'un autobus, ou si vous vous stationnez, ou si vous êtes en feu rouge à côté d'un autobus, Baissez donc votre fenêtre, voir, et demandez-leur, c'est le temps d'un merci. C'est le temps d'un merci, là. Merci, parce que je finance l'autobus, le ticket à 2$ que vous payez. Dans le fond, ça serait un ticket à 10$ que vous devriez payer. Ce qui est drôle, c'est que si l'automobiliste disparaissait pour vrai, comme le souhait de beaucoup de gens qui sont vraiment trop pro pour transport en commun, ben votre billet de bus, il va monter à 12$, là. Parce que la part du financement des automobilistes sera plus là. J'y arrive. Passe un Reg, là. OK, Reg, dernier extrait, parce que là, on n'a pas parlé du tramway. Bon, allez-nous l'expliquer. Pas contre le tramway, il n'a pas complètement enterré son projet de tramway. Par contre, à savoir qui va payer pour, nous l'explique. Je pense que son Simon va le vendre. Mais c'est juste que... C'est juste que la population veut savoir si elle va payer, hein. Ça me tente pas de payer. Sa première préoccupation, c'est pas qu'il va passer en ville, c'est qu'elle se demande comment ça va se payer. C'est pas bien compliqué, là. Si vous demandez à la population, on dit ça coûte cher, qui va le payer? Ça, c'est simple. Là. On veut comme Montréal-Laval. Comme 2 milliards. C'est le gouvernement qui paye. Ça, c'est la première réponse que je voulais donner aujourd'hui aussi. C'est le gouvernement qui paye, pas le fédéral en bas. Une fois que tu leur dis que c'est payé à 100% ailleurs, il y a encore plus de monde qui va être pour. C'est certain. Tu peux pas être contre, de toute façon. Ouais. Si t'as pas le payé, pourquoi tu serais contre? Ben ouais, moi, la seule affaire où je suis pas weird. D'accord avec Red, c'est que c'est parce que le gouvernement, c'est nous autres. Ça, c'est un peu weird. Hey, si t'as pas payé, le payer, tout le monde va être pour. Ouais, ça, mais c'est parce que c'est moi qui fournis l'argent au gouvernement. En économie, il y a un petit dérapage. Là. Ouais. Red est loin d'être parfait, comme nous tous, mais là-dessus, il y a un dérapage. Là. C'est parce que le gouvernement, c'est nous autres. Ça, c'est pas... Ça marche pas. Et nous autres étant... Les gens vont être contents, ils paieront pas. Ouais, parce qu'on est tous des payeurs de taxes au gouvernement. Puis deuxième des choses, le fédéral n'embarquera pas. Fait que là, il y a une porte de sortie. Là. Le fédéral n'embarque pas, donc on peut pas. Ben peut-être qu'il prépare ça aussi tranquillement. Il prépare le terrain, exactement, exact. Il prépare le terrain pour ça. Maintenant, je vais faire entendre quelqu'un, étant donné que la campagne à Montréal, vous la vivez, elle est plate à mourir. Tout le monde est pour les familles. Je vous ai lu ça la semaine passée, là. Un communiqué de presse de Marcel Côté. Youhou! On est pour les familles. On vous rencontre dans le parc Maisonneuve à 10h15. Donc à Québec, ça va commencer à lever un peu. Malgré que on a affaire à un chef d'opposition qui a vraiment l'intention de perdre l'élection. Là. La semaine passée, il voulait pas sortir de chez eux parce qu'il s'occupait de ses enfants. Oui, il voulait pas répondre aux questions, il était avec ses enfants. Et ouais, mais c'est pas que j'étais avec mes enfants matin, là, je suis venu travailler. Ça va pas bien, là. C'est le gars veut être maire de la ville de Québec. J'étais avec mes enfants matin. Je suis venu travailler pareil. Puis si je t'appelle avec tes enfants, tu peux... parler quand même. Ben, j'ai déjà fait, je l'ai fait, ça avait bien... Laurent aussi l'a fait. Ça avait très bien été. Puis les gars, c'est pas pire. Bon, maintenant, j'en ai entendu un parler en arrière, c'est un peu déplaisant, c'est mais on s'est parlé quand même. Ouais. Donc, c'est David Lemelin qui se présente contre lui, et on écoute. On a un maire aujourd'hui qui parle, qui tient un discours qui date de 1950. C'est incroyable. C'est très clair parce que, dans le fond, au lieu de faire ce qu'on doit faire pour améliorer la situation, ils veulent l'empirer. Les études, ce que ça dit, c'est quand on augmente la capacité du réseau routier, le trafic invariablement finit par combler cet espace-là, puis on revient encore au problème de trafic routier. Ouais. Invariablement, le trafic va augmenter même si tu touches pas au réseau routier. C'est ça la vraie affaire, là. C'est ça. C'est que les gens s'achètent des voitures. Oui. En fait, il y a de plus en plus de monde au Québec. L'augmentation de la population, ces gens-là veulent aller travailler. Les gens veulent avoir du plaisir. Les gens s'achètent des voitures. Et il y a de plus en plus de concessionnaires qui se construisent. Puis les gens achètent de plus en plus de voitures. Puis comme tu dis si bien, c'est parce qu'un réseau routier des années 50, ça fait pas le job, là. Non, mais il dit... regarde, c'est les études le prouvent. Si tu mets plus de routes, les gens comblent les routes. Mais si t'en mets pas plus, ils vont juste s'empiler un par-dessus l'autre. Là. Exact. Parce que ça grossit. La population, les gens s'achètent des voitures. Et le métropolitain à Montréal, l'espèce de schéma urbain des années 60, ça fait pas le job, là. Ouais, Montréal, c'est une autre histoire, là. Ben, c'est pas mal la même histoire aussi, là. Tu sais, en termes de schéma urbain des années 60, oui. Ça n'a pas évolué. Là. Non, mais le Montréal sont un petit peu plus pactés que nous autres, là. Il y a un petit peu moins de place, là, pour développer des routes, là. Ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Mais nous autres étant, on est dans la province de Québec aussi, Jean-Claude. Là, on est diffusé réseau, là. Nous autres étant Montréal aussi, là. Tu sais, Montréal, l'échangeur de Turcot, là, je t'annonce que je vais avoir 75 ans, il va me manquer 16 dents, ça sera pas fait, là. T'sais, donc, c'est une problématique. Où il va être à refaire. Globale. Hein. Globale. 10h pile, avant d'aller à la pause, je vais absolument vous parler de l'AMT. L'Agence métropolitaine de transport à Montréal, qui est dans un bordel épouvantable. On nous annonce un manque de liquidité, là. Donc, lire un message subliminal. Ça va passer au 10 d'Ozzy Osbourne des années 80. Là, il disait ça. Tourne ça à l'envers, tu vas entendre. Oui. Fond, c'est un racket, là. C'est pas... Ah, c'est pas vrai? Mais eux autres, tu vires le disque à l'envers, c'est... Alors, comment qu'on pourrait faire ça, donc? Tu sais, eux autres disent, et c'était à la une de la presse hier, nous aurons un problème de liquidité. Mais à l'envers, c'est... On les taxe. Tu sais, quand tu vires un disque à l'envers... J'ai cru entendre montons les taxes. Oui! Ah, mais attends, ouais. Disque sublime.